Chapitre 3. Un fils prodigue. Dans la maison Pomerol, l'exactitude s'étendait aux moindres choses de la vie. Le négociant, appréciant mieux que tout autre la valeur du temps, ne permettait jamais qu'il fût dépensé d'une façon inutile. Or, les retards font perdre, chez beaucoup de gens, une quantité de minutes équivalente à la fin de la semaine à un grand nombre d'heures. Les pendules marchaient d'une façon admirable, et le phénomène tant cherché par le grand Charles Quint se réalisait chez le grand fabricant de bronze. Toutes les horloges sonnaient avec un parfait accord. À 6 heures, on se mettait régulièrement à table. Pomerol n'attendait jamais, jugeant l'inexactitude un manque de savoir-vivre pour lequel, en général, on se montre trop indulgent. D'ordinaire, si léger qu'il fût, Xavier, lorsqu'il ne devait pas dîner avec son père, avait le soin de le prévenir. Ce jour-là, au moment où le valet de chambre annonça que le dîner était servi, Pomerol, Bénédicte, Sabine et Sulpice se trouvaient seuls dans le salon. Le visage de la jeune fille respirait une douce joie. Elle causait près d'une fenêtre avec son fiancé, et un rayon de soleil tombant sur sa tête blonde lui formait une auréole. Pour toute parure, elle avait ajouté à sa modeste toilette une rose blanche tirée du bouquet que le sculpteur venait de lui offrir. Pomerol et Sulpice s'entretenaient à voix basse de cet événement de famille, et le jeune prêtre en paraissait heureux. « Voilà, disait-il à son père, une de ces unions comme il s'en contracte trop peu aujourd'hui. D'un côté, les modestes vertus de la femme, qui lui sont une grâce en restant pour elle une force, de l'autre l'énergie, l'amour du travail, une ambition légitime. Vous vous êtes informé des aptitudes, de la moralité, des croyances de Bénédicte, sans faire un méchant calcul de chiffres, et ma sœur va, confiante, mettre sa main dans la main de cet honnête homme. Ils savent d'avance, tous deux, en dépit des illusions de leur âge, que des épreuves leur sont ménagées dans l'avenir. Ils savent aussi que, s'ils en sortent meurtris, ils en resteront victorieux. Oui, voilà un mariage que le ciel bénira et dont je serai heureux de consacrer les liens. « Tu m'y fais penser, » dit en souriant M. Pomerol. « Bénédicte et moi, nous n'avons pas parlé de la dot. Votre notaire s'en chargera. »« Non pas, il n'y a rien de bien fait que ce qu'on fait soi-même. » M. Pomerol se tourna du côté des deux jeunes gens. « Bénédicte, venez ici un moment. » Le jeune homme s'approcha du négociant. « Or ça, mon gendre, » dit Pomerol, « vous avez commis aujourd'hui une légèreté qui me donne la plus piètre opinion de votre habileté dans les négociations difficiles. Comment saurez-vous signer des traités de travaux si vous ignorez la valeur de l'argent au point de ne pas même me demander quelle dot je donne à Sabine ?»« Une dot à Sabine ?» s'écria Bénédicte. « Mais je n'en veux pas. » « Tu n'en veux pas ?»« Pas du tout. Comment ? Vous me compteriez une grosse somme pour devenir le mari d'une jeune fille accomplie ? Vous vivant, je vous arracherais des mains une part de votre fortune. Je croirais, en agissant de la sorte, offenser Sabine et m'amoindrir moi-même. J'ai 25 ans, de la bonne volonté, quelques-uns disent du talent, et je ne pourrais suffire aux dépenses de mon ménage. » « Non, non, cher père, j'ai trop la conscience de mon devoir pour agir autrement, et je suis sûre d'être approuvée par Sabine. »« Oui, » répondit la jeune fille d'une voix émue, « cela est bien, très bien. »« Croyez-moi, » reprit le sculpteur en s'adressant à Pomerol, qui secouait la tête d'un air incrédule. « Il n'est pas bon que les jeunes gens soient riches de trop bonne heure. Combien ont vu leur avenir moins soutenu qu'enrayé par une précoce fortune ?» L'argent rend paresseux. Je pressens ce danger, plus grand encore, qu'il multiplie autour de nous les flatteurs et les parasites. Tous nous prennent pour le moins notre temps. Heureux sommes-nous quand les louanges, données moins à l'artiste qu'à l'homme, ne nous aveuglent pas sur la valeur de nos œuvres. « C'est vrai, » dit Sulpice en serrant la main de Bénédicte. « Il me semble aussi, » ajouta la jeune fille en rougissant, que c'est enlever à la femme une part de mérite à laquelle elle a droit que de la frapper d'inutilité en la faisant tout de suite opulente. Jamais d'ailleurs elle ne se montrera aussi reconnaissante à son père de la grosse dot qu'il aura payée pour elle qu'elle ne le sera au mari qui soutiendra par un labeur assidu sa modeste maison. Riche fiancée, elle semble tout devoir à sa famille et rien à celui qu'elle prend pour compagnon. Qu'importe, mon père chéri, que la fille du millionnaire Pomerol n'ait ni chevaux ni diamants. Vous me prêterez quelquefois votre voiture. Quant au reste, Bénédicte trouve et prouve que je sais plaire sans cela. Le milieu dans lequel je vais vivre sera modeste, tant mieux. Je change de monde en épousant un artiste, et cependant je veux rester moi. Il ne faut pas qu'une large aisance, rendant presque inutile le travail, m'entraîne à voir le monde, à rivaliser de luxe avec les autres femmes. Nous vivrons de ce que gagnera mon mari, comme ma mère se contenta de votre constant et noble labeur. » Pomerol tendit les bras à Sabine. « Chère fille, dit-il, cher fils, ajouta-t-il en attirant à lui Bénédicte, je cède plus ému que je ne le saurais dire, aux raisons de votre sagesse. Vous voilà des pauvres volontaires. Vous ne m'interdirez pourtant pas les surprises. Ceci serait vous priver d'un plaisir, reprit le sculpteur, et nous ne nous en reconnaissons pas le droit. Bon, fit gaiement Pomerol en prenant le dessus sur son attendrissement. Les surprises, nous les servirons comme les truffes, sous la serviette. En ce moment, la porte s'ouvrit sous la main adroite de Liplap, qui en écarta ensuite les portières, et la voix de Baptiste annonça « Monsieur est servi ». La grande pendule de boule sonnait 6 heures. Une même pensée traversa l'esprit de Sabine et de Sulpice. Xavier n'était pas là. Bénédicte comprit ce qui se passait dans le cœur de sa fiancée, et il dit à Pomerol, avec l'accent de la prière, « Si nous attendions Xavier ?»« Non, répondit Pomerol d'une voix ferme, « son devoir est d'être exact, et il manque à son devoir. » Il ignorait que cette journée n'est pas une journée comme les autres. Il sait qu'il me doit le respect et la déférence. Cela doit lui suffire. Offre ton bras à Sabine, ne laissons pas refroidir le dîner. » On passa dans la salle à manger. C'était une vaste pièce carrée, rendue octogone par d'immenses buffets, remplis d'une lourde argenterie. La vive lumière des lampes jetait des clartés sur des tableaux de choix. Le linge éblouissait de blancheur. Des vases de fleurs égayaient le couvert. On se sentait environné d'un confortable de haut goût en s'asseyant à cette table. En prenant sa serviette, Sabine poussa un cri de surprise. Un bracelet de diamants magnifiques en formait le coulant. « Ah, père !» dit la jeune fille d'un ton de reproche. « Déjà ! Il appartenait à ta mère !» répondit simplement le négociant. Sulpice s'assit à la droite de Pomerol, Sabine à côté de son père. Bénédicte faisait face à son futur beau-père. Une chaise vide attendait Xavier. Le commencement du repas fut gai, en dépit de l'absence du jeune homme. Pomerol semblait lui-même donner le ton, et d'ailleurs un incident burlesque et touchant à la fois y contribua. Liplap était le favori de Xavier. Cet honnête chimpanzé tenait à grand honneur de servir son jeune maître à table. Ne le voyant pas ce jour-là occuper sa place ordinaire, il témoigna d'abord une contrariété visible. Son regard se fixait sur la porte avec une expression d'inquiétude. Puis, constatant que l'on servait le dîner sans attendre Xavier, il voulut du moins remplir son office avec la même exactitude. Il plaça devant la chaise vide une portion de tous les mets, changeant les assiettes et les couverts avec le même soin que si son maître eût été présent. À mesure que le temps passait, cependant, Liplap devenait plus triste, et quand on arriva au dessert, une sorte d'angoisse contracta sa face. Tout à coup, tandis que l'on prenait le café, le chimpanzé poussa un petit cri de joie et bondit vers la porte de la salle à manger. Il croyait reconnaître les pas de son jeune maître. Xavier ne parut pas. Mais Liplap n'en avait pas été moins bien servi par son instinct, car le jeune homme venait effectivement de monter l'escalier. Seulement, au lieu d'entrer dans la salle à manger, il avait gagné son appartement particulier. La famille rentra au salon. Sabine, qui connaissait assez son père pour savoir qu'il devait souffrir, se mit au piano afin d'essayer de chasser le nuage de tristesse qui planait autour d'elle. Bénédicte s'approcha de sa fiancée et tourna les feuillets, moins parce qu'elle avait besoin de ce service, car Sabine possédait une merveilleuse mémoire musicale, que pour se donner une contenance et laisser Sulpice et Pomerol libres de causer. Le négociant et le jeune prêtre s'assirent à l'autre extrémité de la vaste pièce. « Mon père, dit Sulpice, vous prenez bien à cœur l'inexactitude de Xavier. » Cette inexactitude est un manque d'attention d'abord. Ensuite, c'est un pas de plus fait dans la voie qu'il suit depuis 5 ans. Il se corrigera, il est si jeune. Il est si jeune, répéta Pomerol. C'est toi qui dis cela, Sulpice. Mais cette jeunesse même le condamne à 23 ans faire déjà litière de tous les devoirs, n'avoir d'autre plaisir que les excès d'une folle dépense, vivre chaque jour entre des hommes inutiles et des êtres vicieux, dédaigner cette maison et lui préférer le club et les coulisses des théâtres. Pourquoi le défends-tu, mon fils? Tu dois être le premier à le blâmer. Je le blâme, mon père. Seulement, je veux éviter que ses fautes appellent sur lui des sévérités justes, mais excessives. Et puis, ce coupable est mon frère à moi, et presque aussi mon enfant. Vous lui avez donné la vie. J'ai ouvert son cœur aux premières notions de la foi. Il me fait souffrir. Mais je sais que l'enfant prodigue revient de lui-même au foyer de sa maison. Qu'ai-je négligé pour cet ingrat? Demanda Pomerol, sans entendre les consolantes paroles de Sulpice. Tout ce qu'il souhaitait, je le lui ai accordé avec joie. Son appartement est plus riche que le mien. Ses voitures sont plus belles que les miennes. Il aime les chevaux et possède une écurie digne d'un lord. Il me semblait que chaque sacrifice me le devait attacher davantage. Et cependant, n'aurais-je pas dû constater que si Xavier se montrait affectueux, empressé pendant quelques jours, il profitait de ma satisfaction pour arracher quelques billets de 1000 francs de plus à la caisse paternelle. J'avais fixé sa pension d'abord. Eh bien, il la recevait et ne payait personne. On tirait sur moi à la fin de l'année. Je grondais et j'acquittais les notes. Et toujours ainsi. Eh bien, je suis là de me faire le banquier d'un jeune homme inutile, dont la plus grave occupation est de discuter les chancrures d'un gilet et le nœud d'une cravate. Un peu plus avec la vie qu'il mène, il oublierait qu'il existe un ange dans cette maison. « Mon père, dit Sulpice d'une voix pleine de grave tendresse, je ne combats point vos griefs, vous citez des faits, il suffit. Et d'ailleurs, je vois comme vous que Xavier descend la pente d'un abîme. Mais n'allez pas croire, surtout mon père, que je veuille déverser le moindre tort sur votre conduite. Si votre tendresse a été poussée plus loin que votre prévoyance, ce n'est pas moi qui vous en blâmerai, seulement... « Vous vous êtes montré trop généreux. »« Eh, sans doute, tu as raison, Sulpice. J'aurais dû dire à cet enfant de 18 ans qui terminait ses études, « À ton tour de marteler le fer, de couler, de ciseler le bronze. Apprends un à un les secrets du métier, comme j'ai fait moi-même. Tu me succéderas un jour. Je ne veux pas que la maison Pomerol change de raison sociale. Non !» J'ai, comme la plupart des pères de famille en France, cédé, moitié par affection, moitié peut-être par vanité, au désir de Xavier. Plus d'une fois j'ai souri en voyant ce beau cavalier spirituel, prodigue, un peu fanfaron. Ce fut une grande faute. À peine Xavier eut-il le pied dans les cercles, que les cercles me le prirent. Il devint un cocodès, un petit crevé, un gommeux. Trinité de noms caractérisant le même être personnel, inutile et prodigue, produit d'une société qui s'effondre. Je compris le danger, je voulus enrayer le mal. Il était trop tard. Xavier avait perdu au milieu de ses compagnons d'orgie cette fleur de respect de famille, de bon ton et de tendresse qui ne se conserve qu'au foyer paternel. Mes observations le froissaient. Il y répondait avec aigreur et me quittait morose et chagrin. Je l'aimais et je le rappelais. En le rappelant, je lui donnais encore ce qu'il me demandait. Et cela dure depuis 5 ans. mais je suis là de solder cette paresse élégante. Je ne me crois plus le droit de subvenir davantage aux dépenses d'un ingrat qui me prend presque pour sa dupe. À partir d'aujourd'hui, la caisse est fermée. « Soit, » dit Sulpice, « mais le père rouvre ses bras. « Oh, fils repentant, certes, tu ne comprends peut-être pas, Sulpice, pourquoi je souffre aujourd'hui doublement de la conduite de Xavier. C'est que je la compare à celle de Bénédicte. Mon vrai fils, c'est cet orphelin qui va m'appeler son père et qui trouve la jeunesse et le talent un assez beau capital pour qu'il ne soit pas besoin d'y ajouter des écus. L'absence de Xavier ce soir a été la goutte d'eau faisant déborder la coupe d'amertume. À partir de demain, Xavier travaillera et prendra la direction de la fabrique. Bien, mon père, je vous approuve de couper court au mal. Une heure viendrait où il n'en serait plus temps. Je vous supplie seulement de mettre de la douceur dans vos reproches. Il n'a pas le cœur méchant, ce prodigue. Ses amis l'aiment. Sabine le chérit de toute la puissance de son cœur angélique. Et moi aussi, mon père, je porte à Xavier l'amour que ressentent les mères pour leur fils malade, en danger peut-être. Si je maudis ses fautes, j'espère en effacer les traces. Ne nous le dissimulons pas, Xavier est le Benjamin de la famille, et s'il se rend, hélas, presque indigne d'une préférence dont nous sommes tous complices, je suis sûr qu'il s'efforcera plus tard de la mériter. « Dieu t'entende !» murmura Pomereul. « Oui, si vous lui promettez de lui parler doucement. »« Avec fermeté, mais sans colère. »« Tout ira bien, croyez-le. »« Et pour vous distraire de cet entretien bien lugubre pour un jour de fiançailles, »« écoutez la musique de Sabine, de la belle, bonne et grande musique, »« comme Bénédicte fait de la belle et noble sculpture. » En effet, la jeune fille, quittant le piano sur lequel elle venait d'exécuter de brillantes fantaisies, s'était mise à l'harmonium et jouait une des merveilles de la musique religieuse, l'O Jésus de Haydn. Cette prière si large, si suppliante, était interprétée par Sabine avec un sentiment d'une exquise profondeur. Personne avant elle n'avait su détailler ce morceau avec un semblable talent, et Bénédicte, en fermant les yeux, pouvait se croire sous les voûtes pleines d'ombre d'une chapelle, écoutant la voix d'un orgue saint. En les rouvrant, il trouva à Sabine une telle expression d'inspiration qu'il lui dit d'une voix contenue « Restez ainsi une minute encore. L'an prochain, j'enverrai une sainte Cécile au salon. » Quand la mélodie religieuse s'éteignit sous les doigts de Sabine, ce fut le signal de l'adieu. Bénédicte serra les mains de Pomereul et de Sulpice, prit une fleur que lui tendait sa fiancée et quitta cette famille que, désormais, il considérait comme la sienne. « À demain, » lui dit Pomereul, « ton couvert sera mis tous les jours. » Lorsque le sculpteur se fut éloigné, Sabine souhaita le bonsoir à son père. « J'espère, » lui dit-elle, « que vous n'allez pas travailler. » « Une lettre à écrire seulement, chère fille. »« Je comprends, » dit Sulpice. « Vous voulez attendre Xavier ?»« Oui, mon fils. Il apprendra ce soir ma décision. »« Souvenez-vous de ce que vous m'avez promis. »« Sois tranquille, Sulpice. Repose en paix, mon digne fils. » Le jeune prêtre monta au dernier étage de l'hôtel où sa chambre se trouvait située. Sabine gagna son petit appartement placé entre celui de Pomereul et celui de Xavier. La jeune fille, qui recommandait si bien à son père de ne pas prendre sur le repos de la nuit, s'assit en face d'une petite table et se mit à écrire avec une rapidité due au sentiment d'une joie et d'une inspiration vraie. Pendant ce temps, Pomereul sonnait Baptiste. « Vous me préviendrez, » dit-il, « quand Monsieur Xavier rentrera. » Mais « Monsieur Xavier est chez lui depuis une heure. Alors priez-le de passer dans mon cabinet. » Un moment après, Xavier se trouvait en face de son père. Sa physionomie portait les traces de veilles et de chagrins précoces. L'œil était presque éteint et les lèvres sans couleur. La toilette d'ordinaire aussi soignée du jeune homme était fripée, presque débraillée. Un tremblement nerveux agitait ses mains. « Pourquoi n'avez-vous pas assisté au dîner de famille ?» demanda Pomerol. Le jeune homme baissa la tête sans répondre. « Où étiez-vous ? » reprit le négociant. « Au cercle. » « Et vous nous avez préféré la société de vos amis ?»« Je n'ai pas dîné, » répliqua Xavier d'une voix basse. « Que faisiez-vous donc ?»« Je jouais. »« Vous jouiez ? Et vous avez perdu, n'est-ce pas ?»« J'ai perdu, mon père. » « Une grosse somme ?»« 40 000 francs. »« Vous possédiez donc une bourse de jeu considérable ?»« Non, mon père. Je jouais sur parole. »« Ah ! Il se trouve des gens qui risquent contre vous 40 000 francs sur parole ? Cela fait honneur à leur confiance. »« Cela prouve que si je fais des dettes, je les paie, que si je contracte un emprunt, je le rembourse. »« Avec quoi ?» demanda Pomerol. Avec l'argent que vous voulez bien me donner, mon père. « Allons !» dit le banquier. « L'entretien que nous devons avoir sera plus long que je ne pensais. Je voulais vous laisser debout, comme un coupable reste devant son juge. Mais j'ai pitié de la prostration dans laquelle je vous vois. Prenez un siège et écoutez-moi. » En entendant pour la première fois son père lui parler avec cette froideur glaciale, Xavier perdit le peu d'assurance qu'il gardait encore et tomba lourdement dans un fauteuil. « Quand j'épousais votre mère, » reprit Pomerol, « elle était pauvre. Je vivais moi-même de mon métier de ciseleur et de monteur, et nous connûmes assez les mauvais jours pour avoir le temps de nous apprécier davantage. Quand la fortune vint, elle nous trouva prémunis contre ses dangers. Votre mère resta ce qu'elle était, une sainte et modeste créature, et si elle posséda des écrins dont le cadeau flattait ma tendresse sans exciter sa vanité, elle ne m'en demanda jamais. Elle vous nourrit tous les trois, sachant rester une mère de famille accomplie et une femme aimable. Elle veilla sur vous tant que Dieu lui permit de vivre, et un jour elle me laissa seule. Oui, seule, non que je ne vous aime à ce point tous les trois, mais si vous remplissiez une grande part de mon cœur, il en est une qui restera toujours veuve. Je ne trahis pas le souvenir de la chair morte et je me vouais à votre éducation. Sulpice et vous, Xavier, vous reçûtes les mêmes leçons, données par les mêmes professeurs. Sans doute Sulpice, qui avait davantage vécu avec sa mère, en garda davantage l'angélique empreinte, car dès qu'il fut en âge de penser, il devint sérieux. Dès qu'il lui fut possible de choisir une carrière, il entra dans le sacerdoce. Le séminaire le prenait, vous seul me restiez. Vous seul deviez vivre de la vie mondaine et continuer la famille et un nom de braves gens. Si cela n'excuse pas mes faiblesses, cela les explique du moins. J'ai cru longtemps que vous cédiez à l'effervescence passagère de la jeunesse. Je ne mis point assez tôt votre volonté sous le joug du travail, et chaque jour je sentis que vous m'échappiez davantage. Mon père, ne m'interrompez pas, vous répondrez plus tard. Vos besoins factices grandirent à mesure qu'ils se virent satisfaits. Vous prîtes soin d'exciter un côté dangereux de mon affection et de mon amour-propre paternel, et depuis ce jour je n'ai plus été pour vous que le pourvoyeur de vos prodigalités, et presque, par cela même, le complice de vos fautes. Mais on arrête quand on veut, fût-ce sur la pente déclive d'une montagne. Je vois l'abîme, je ne veux pas y tomber, et je sens que vous y roulez. J'ai payé vos chevaux, soldé les dettes que vous avez contractées. C'est assez, le banquier n'existe plus. Quant au père, celui-là, vous le retrouverez si vous le voulez, et il ne faut pour cela que changer de vie. Seulement, je ne me contenterai point de promesses, il me faudra des faits. Commandez, mon père, dit Xavier avec abattement. Avez-vous fait de nouvelles dettes ? Oui, mon père. Leur total atteint un chiffre de 20 000 francs à peu près. Ajoutons-en 5 pour l'à peu près, dit Pomerol en écrivant ce chiffre sur une feuille de papier. J'avais donné ordre à mon tapissier de renouveler mon ameublement. Un ameublement qui date de 5 ans. Enfin, je donnerai contre-ordre au tapissier et, s'il y a lieu, je l'indemniserai. Quant aux 30 000 francs dus à divers créanciers, la vente de votre écurie suffira pour les payer. Vendre mes chevaux ? S'écria Xavier. Au Tattersall dans 8 jours. Mais on dira que je suis ruiné. J'aime mieux cela que de me ruiner moi-même. Et la dette d'aujourd'hui, reprit Xavier anxieux, pour celle-ci, vous prendrez des arrangements. Des arrangements quand il s'agit d'une dette de jeu, y songez-vous, mon père, il y va de mon honneur. Honneur ? Répéta M. Pomereul. En vérité, vous parvenez d'une façon singulière à altérer le sens des mots. Pourquoi donc, je vous prie, la dette de jeu est-elle plus sacrée que toute autre dette? Est-ce parce que l'amour du jeu est un vice? Je trouve, moi, monsieur, qu'une dette bien autrement sacrée est celle que l'on contracte envers un marchand, un ouvrier vivant de son gain et de son salaire. En retardant le paiement de votre dette, vous pouvez jeter l'un dans la faillite et l'autre sur le pavé. C'est un peu plus grave que de faire attendre un jeune homme au col cassé qui a risqué sur un coup de carte une partie de l'héritage paternel. L'honneur, mais l'honneur, c'est de remplir envers tous les devoirs qui nous sont imposés par la société comme par la conscience. Pour le soldat, c'est de défendre son drapeau au prix de sa vie. Pour le magistrat, de rester intègre. Pour l'artiste, littérateur, statuaire ou peintre, d'employer ses talents à la glorification et à la représentation du beau. Pour le négociant, de ne jamais laisser protester sa signature. Pour le fils, de payer sa dette de reconnaissance, de respect et de travail. L'honneur, j'en puis parler, monsieur, car j'ai gardé le mien. Mais je vous défends de prononcer ce mot quand il s'agit d'une dette de jeu, et la loi les regarde si peu comme sacrées qu'elle ne les reconnaît pas. C'est vous, mon père, qui me conseilleriez. Je ne conseille rien. Je déclare seulement que je ne paierai pas. Et comment ferais-je, mon Dieu? Vous prendrez des arrangements avec ce créancier, comme toute votre vie vous en avez prise avec les autres. Vous demanderez des époques d'échéance fixes, et on vous les accordera. Vous ne savez pas, car vous restez étranger aux choses de la famille, que j'ai fiancé aujourd'hui votre sœur à Bénédicte. Je ne me trouve pas le droit de sacrifier sa part et celle de Sulpice à vos folies. Je ne jetterai point leur fortune dans le gouffre que vous creusez. Dès demain, vous prendrez la direction de la fabrique et vous recevrez 12 000 francs d'appointements par an. C'est sur cette somme que vous vous libérerez de votre dette de jeu. Mon père, dit Xavier, se levant pâle, livide et se soutenant mal sur ses jambes, vous ne ferez pas cela. Vous ne m'obligerez pas à avouer ma pénurie, à demander des délais. Vous me donnerez ces 40 000 francs. Et vous me refuserez après ce que vous voudrez. Il ne faut pas me réduire à cette honte, à ce désespoir. Que sont 40 000 francs pour vous? Une pareille somme représente les économies persistantes de plus d'une famille. 40 000 francs, combien l'on sauverait de petits marchands de la banqueroute et de gens du désespoir avec cette somme? Je vous l'ai dit, vous avez dépensé plus que votre part d'héritage. Le reste appartient à Sabine et à Sulpice. Et quel besoin mon frère a-t-il d'une fortune? Lui qui loge dans une mansarde marcherait volontiers pieds nus et se contente de pain et d'eau. Vous oubliez ces pauvres, monsieur. Ah, c'est horrible, atroce, fit le jeune homme. Je veux bien me corriger, renoncer à tout, entrer même à la fabrique, me contenter de 12 000 francs de pension, mais solder ma dette de jeu, soldez-la, il le faut, mon père, il le faut, voyez-vous. Je veux votre parole, une promesse. Il y a de l'or dans cette caisse. Donnez-moi que je paie. J'ai dit non, répliqua le fabricant en faisant un effort pour dompter l'impression violente que lui causait la douleur de Xavier. Prenez garde, mon père, prenez garde, fit Xavier en s'approchant tout égaré du bureau de son père. Misérable, vous me menacez ? S'écria Pomereul en se levant. Au moment où le père et le fils se trouvaient ainsi face à face, l'un livide de rage, l'autre sous l'empire d'une indignation violente, la porte du cabinet s'ouvrit brusquement et Sabine, épouvantée, se jeta entre eux. Xavier la repoussa et la jeune fille, en pleurs, enlaça de ses deux bras le cou de son père. Celui-ci se dégagea doucement de l'étreinte de Sabine. « Retire-toi, dit-il. « Chère fille, retire-toi, je t'en prie. Ma discussion avec ton frère est pénible, mais elle ne doit pas t'inquiéter. »« Xavier, oh Xavier, murmura la charmante créature en tournant le visage vers le jeune homme. « N'attriste pas par une scène violente le jour de mes fiançailles. Demande pardon à notre père. Tu dois avoir tort, car il est la bonté même. » Xavier demeura muet et sombre. « À mon tour de commander, Sabine, ma chérie, » reprit gravement Pomerol. « Va prendre du repos et viens de bonne heure, j'aurai à te parler. » Sabine adressa une dernière prière à son frère qui la regarda d'un air farouche, puis, après avoir embrassé son père, s'éloigna. « Vous me refusez ?» répéta Xavier pour la dernière fois. « Vous me refusez ? Je refuse !»« Oh !» s'écria le jeune homme d'un accent désespéré. « C'est vous qui l'aurez voulu. Le malheur est sur cette maison !»